noir, un menton farci au pinard, des cheveux en étendard, ma braguette en traquenard, des oreilles de cigare et une bouche de poitane. Arrêt de la bière dans ma mémoire, des bouteilles dans mes standards, choc de cauchemar et des verres dans mes yeux noirs. Souvenir en bazar pour revenir de nulle part. Pas loin de retard, je te mets un cadre sans perdre l'histoire. Ainsi, quand je m'ennuie, je passe mes nuits dans le whisky. Il passe ses nuits dans le whisky. Ainsi, quand je m'ennuie, je passe mes nuits dans le whisky. Il passe ses nuits dans le whisky. Amoureux, fermé sur ton quotidien sec et rapeux. Je dois nourrir ma soul, dégouline de graisse et de fioul. Il en découle que je débouche, je gâque le comptoir, s'écroule. Je gâque la note, m'étouffe, que la soif s'efface, qu'un nuit se casse, que le soleil passe sur face. Ainsi, quand je m'ennuie, je passe mes nuits dans le whisky. Il passe ses nuits dans le whisky. Ainsi, quand je m'ennuie, je passe mes nuits. Cajun, celle de tous les soulards, sans de buveurs de pinard. J'aime la fête et son éclat, son exotisme cheap, qui m'attire dans ses bras et qui me dit vite. Un grand feu d'été pour me rincer le gosier, distiller mes pensées et décanter mes idées, et tout oublier et recommencer pour tous les damnés condamnés avant même d'y avoir foutu les pieds. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh.